ne s'est pas rendu compte, on se donnait rendez-vous. Tu me disais raconte et moi je dévoilais tout. Ma vie, mes aventures. Ma nostalgie, mon clair-obscur. On se faisait un petit baiser sur la joue. On s'aimait d'amitié, voilà tout. On ne s'est pas rendu compte au cours de nos rendez-vous que rien n'interrompe nos rêves les plus fous. On s'amusait vagabonde à l'amitié qui dévergonde. On se faisait de vrais baisers sur la bouche. Amoureuse amitié, rien de louche. Je pense à toi comme je t'aime. Je pense à toi comme je t'aime. Brouille-toi, je veux pas avec moi. Je pense à toi comme je t'aime. Pique dans nos restos. Nos cœurs blessés, nos solitudes se sont croisés, même l'attitude. On se faisait l'amour, oh, quelle folie. Amitié qu'on savoure, qu'on oublie. Je pense à toi comme je t'aime. Je pense à toi comme je t'aime. Brouille-toi, je veux pas avec moi. Je pense à toi comme je t'aime. Puis quand nous restons cosy, on s'aime, on s'aime. La la la la la la la la la la la. Mon clair obscur, fini les petits baisers sur la joue. On ne sait plus d'amitié, voilà tout. On ne s'est pas rendu compte. On se donnait.